Il y a quelque chose de curieux avec le verbe « gogo ». À l'impératif, donc pour donner un ordre, il passe de « gogo » à « gaga ». Oui, les gogos deviennent « gaga ». Alors, si vous voulez dire à quelqu'un que vous vous voyez « venez avec moi », ça sera donc… « Venga conmigo ». Très bien, hein, c'est ça. « Venga conmigo ». Venga. Et si vous voulez dire « ne sortez pas ». « No salga ». D'accord, hein, « no salga ». Maintenant, si vous dites la même chose à « ustedes », « ne sortez pas ». « No salen salan ». Voyons. Si vous vous adressez à usted, comment dites-vous « ne sortez pas » ? « No salga ». « No salga ». Oui, c'est ça. Hein? « No salga », »,« ne sortez pas ». Ça, c'est si vous le dites à usted. Et si vous le dites à ustedes, ce sera donc… « No salgan ». C'est bien ça. Hein? « Salgan ».« No salgan ». On ajoute simplement un « n » final à la forme avec « usted ». No salgan. Et si vous dites ne sort pas, c'est no salga. Attention, hein, il faut bien insister sur le s. No salgas, hein. Et ne le mettez pas ici, hein, vous vous adressez à usted. No lo ponga aquí. Oui, mais avec une seule syllabe accentuée. No lo ponga aquí. Bien. No lo ponga aquí. Hein? Mais si vous formulez un ordre affirmatif, hein, par exemple pour dire « mettez-le ici », vous direz ponga. Ponga. Et maintenant, le pronom « le ». Pongalo. Mais il faut prononcer d'une traite. Pongalo. Pongalo. Hein? C'est ça. Donc, voilà l'histoire des verbes « gogo » qui deviennent « gaga » à l'impératif, hein, c'est-à-dire quand on donne un ordre. Mais, bien sûr, vous pouvez toujours éviter l'impératif si vous voulez, en employant « pouvez-vous hein, »,« puede »,« puede ponerlo aquí »,« pouvez-vous le mettre ici »,« por favor hein, »,« s'il vous plaît », ou « póngalo aquí » si vous employez l'impératif.